Jusqu'à ce que Les méchants que nous sommes. Il est mort pour nous. Pour nous délivrer des liens du péché, de l'incrédulité, de la mondanité, de l'indifférence spirituelle, des envoûtements, des pièges du malin, des possessions démoniaques, toutes les tentations, et nous donne une pleine victoire et la paix du cœur. Et ne peut que le monde ne peut nous donner que Jésus, le roi des paix, peut nous donner la paix véritable. Ça accompagne d'une sainte assurance que nous ne sommes pas perdus, que l'enfer n'est pas fait pour nous. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, nous sommes en paix avec le Dieu. Une sainte assurance dans le cœur que Dieu vit éternellement. Notre Dieu est un bouclier sûr, un défenseur sans pareil. Il combat pour le juste cause. Il soutiendra le juste cause et même la cause du misérable, de l'opprimé, du dédaigné. Tant que la cause est juste, Dieu la défendra. Il est Dieu qui ne regarde pas au visage. Ce n'est pas du favoritisme. Il est grand roi de justice. Un Dieu très saint. Roi des rois. Dieu de Dieu. Gloire et louange à lui. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, soir, nous sommes à toi pour que tu nous entraînes, que tu nous tailles encore, que tu nous donnes la formation, que nous délivres de tout ce qui n'est pas semblable à Dieu, de tout ce qui est mondain, souillé, impur, indigne, que cela soit bouté dehors, rejeté loin de chacun de nous. Nous avons besoin de la divinité. La piété, la sainteté du Dieu véritable, qu'elle habite au-dedans de nous. Revenons de cela comme un habit qui nous donne la dignité chrétienne, qui nous distingue des restes du païen. Nous appelons au secours, car toi seul peux nous perfectionner. Toi, l'auteur des promesses infaillibles, Dieu qui n'est pas le Dieu des œuvres inachevées, Dieu qui commence et qui achève, Dieu qui soutient son œuvre de bout en bout, Dieu qui confirme sa parole chaque jour et partout, Dieu qui ne sommeille ni ne dort, rentre à cause en main et confirme notre parole. Et ce soir, tu sois avec nous, dans la promesse qui a dit, là où d'autres sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Il est écrit que Dieu travaillait avec les apôtres. Il travaillait avec ses disciples. Nous aussi, Seigneur, nous sommes ses disciples. Il travaillait avec nous. Il confirme ta parole. Il honore ta promesse. Il est Dieu fidèle qui ne sommeille ni ne dort. Nous rendons nos hommages mérités. Rentre à cause en main et soutient son œuvre contre les puissances de l'ennemi. Contre les forces de ténèbres. Neutralisé au nom de Jésus. Totalement paralysé, Seigneur. Tu es notre gloire. C'est en toi qu'il y a notre paix. Notre assurance. Bénis la prédication de l'évangile. Envoie l'impact dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos esprits, dans l'esprit profond de nos âmes. Ta parole touche au bon endroit, à la cible pour déclencher la manifestation. En quoi le surnaturel est une réalité? Notre Dieu n'est pas dans la tombe, il est vivant. Nous t'adorons et te glorifions. Moi qui l'aimerais le mieux, au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Nous allons lire à présent la sainte parole de Dieu dans sa Bible même. En Jean chapitre 4, le verset 1er. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Balingami, bon dima milimo n'yon sauté, car si bon me kamilimo, soko mi outi nanzambe, poete basakoli na lokuta, mingi basili kobima kati na mokili. 1 Corinthiens chapitre 14. Prenons le verset 32. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Apocalypse chapitre 19. C'est le chapitre 22. Le verset 6 à 9. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange qui me l'a montré pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, le prophète, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alors, Makinangai était... Maloba oyo mazali sembo mpe solo kolonzambe na molimo na basakoli atindi moje na ye kotalisa baumbo na ye makambo makoki na yango kobimanoki tala na kuyanoki esengo na oyo akotosaka maloba na kosakola na mokanda oyo ngai yo wana moto ayoka kimpe amonaki makambo oyo wana iyoki ngai mpe emoni ngai na kweyi kosambela liboso na makolo na mwanje oyo atalisi ngai makambo oyo alobi na ngai ete tika ngai nazali mowumbu moninga na yo mpe na bandeko na yo na bandeko na yo basakoli na bango bakotosaka maloba na mokanda oyo sambela nzambe Adieu bénisse la lecture de sa parole. Et veuillez vous asseoir maintenant. Nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé. Nous poursuivons notre thème de prédication qui est comment éprouver un ministère de la parole. Et nous avons cheminé, nous avons traité les trois questions. Les trois questions bibliques. Hein, que la Bible pose généralement pour se faire une idée dans l'examination du ministère ou de l'identité du ministère que porte un homme. Alors, normalement, la dernière question, c'était, qui dites-vous que c'est? D'après vous, de quoi s'agit-il? Parce que ce titre-là, pour ceux qui sont un peu assidus dans le message, ils savent même que Frère Branham a eu à prêcher un sermon intitulé comme cela. Intitulé « Qui dites-vous que c'est ?» Que les frères de Suisse ont eu à traduire en « D'après vous, de quoi s'agit-il ?» Et nous-mêmes aussi, nous avons eu à prêcher il y a des années, un sermon intitulé « Les questions bibliques et leurs réponses ». Ça fait vraiment beaucoup d'années. Et si j'ai bonne mémoire, dans mes vieilles notes, donc le 5 décembre 2005, à la chaire du tabernacle des chrétiens. Nous avions aussi reçu la visite de pasteur Gauthier Vubu. Qui a eu apprécié aussi ça. J'ai vu ça également. Mais bien une autre. Une petite note, j'avais écrit ça. Une vieille note Et j'ai retrouvé ça comme ça là. Oh, le 5 décembre 2005. Il a eu à nous prêcher un peu dessus. Le même pasteur Bobo venait de nous visiter encore ici il n'y a pas longtemps. Et il a prêché un sermon pendant deux semaines. Mois de décembre 2021 ici. Oui, frère Isaac, l'importance de la révélation. Je pense que vous n'avez pas totalement oublié. Nous devons méditer. Et revenir sur les choses que nous avons mangées. Parce que la Bible nous exhorte de nous attacher davantage aux choses que nous avons entendues. Peur que nous nous soyons emportés loin. Donc, il y a des vents, il y a des vagues, il y a des attaques, il y a des combats, il y a des épreuves qui peuvent nous emporter loin. Mais nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Heureux celui qui médite la loi de l'Éternel. Il y a du bonheur, la bénédiction de méditer. Le système de la chèvre, quand il mange, elle peut brouter, mais elle a des réservoirs dans son intérieur, dans son ventre. Des poches, hein, là où elle est là. Un peu de réserve de nourriture. Pour faire face en temps de crise et de famine. Par exemple, les propriétaires, les ligotes là. Un jour, le propriétaire décide de ne pas la libérer, aller brouter. Elle va secouer une de ses poches dans le ventre. Dépannez-moi. Dépanner aussi. Vous verrez la chèvre tenir. Même si vous l'avez ligoté et vous l'avez programmé déjà pour l'égorger. Vous la verrez tenir encore un peu. Parce qu'elle va puiser dans sa petite réserve. Le système c'est lequel? Toujours la chèvre, quand elle mange, même après avoir avalé, elle a le phénomène de rumination. C'est-à-dire les choses qui sont déjà entrées dans le ventre. Ça remonte à la bouche. Vous verrez, sans avoir une table devant soi, sans avoir un prédicateur qui le prêche, vous verrez la chèvre en train de brouter sérieusement. Or quand un humain broute comme ça, avoir un repas à table, il y a quelque chose, soit il a des chewing-gums dans la bouche, ou alors il a perdu la tête. Quand soit il a des chewing-gums, les bassins, qui prend du temps pour finir, ou alors il a perdu la tête. Un homme broute quand il a un repas devant lui. Bon. Maintenant la chèvre, après avoir brouté, elle avale. Mais comme elle doit ruminer, elle peut faire appel à ce qui était dans le ventre. Elle remet ça dans la bouche. Elle mâche encore, mâche encore, pour faire plaisir à sa bouche. Et remplir de nouveau le ventre. Et résister contre la faim précoce. Et là, il part très tôt. Il rumine. Mais nous les humains, il nous est demandé de méditer. C'est de revenir sur les mêmes choses. Lire la parole, la relire encore, revenir. Et que Dieu soit loué. Toi plus que la chèvre, tu peux revenir sur la parole. Psaume 1. Psaume 1 dit ceci. C'est un passage bien connu, vous savez. Le psaume 1. Le verset 1. À 2. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite jour et nuit. Amen. Revenir sur la parole. Méditer. Ce n'est pas juste lire et passer. Mais c'est lire et approfondir. Pour comprendre mieux et davantage. Pour essayer de saisir ce qui pourrait nous échapper. Pour capter même la pensée secrète profonde. Vous lisez et vous arrêtez là. Vous insistez en lisant. Vous revenez et vous revenez. La méditation. On n'aime pas être dérangé quand on médite. Parce que c'est là qui vient vous déranger, il va vous détourner d'une profondeur que vous voulez atteindre. Ça peut donner des maux de tête ou un trouble vrai. On peut se retrouver perdu. Méditez. Vous creusez, vous entrez. Et quand vous êtes si profond que ça, même des visions peuvent naître. Dieu peut vous montrer des scénarios rattachés à cela. Comme le nom dit, votre Bible, vous ne pouvez pas la lire juste comme un journal. Vous tournez les pages, j'ai terminé ici, j'ai déjà 5-8, je suis déjà 50, vous ne saisissez pas les choses quand vous la lisez comme ça. Il dit, elle est écrite sous forme énigmatique et c'est la parole inspirée de Dieu. Mais si vous lisez votre Bible et que vous ne voyez pas Christ dans chacun de ces versets, c'est que vous l'avez mal lu. En lisant votre Bible, arrêtez. Insistez. Continuez à relire. Pour voir Christ dans chacun des versets de la Bible. Vous lisez un verset, vous tournez la page, sans avoir vu Christ, vous avez mal lu. Et par là, vous n'avez rien compris. Ne vous consolez pas vous-même. Si chacun se livrait à ce genre de méditation, je pense que le conseil des méchants n'aura plus d'influence. Même si le méchant vient sous forme d'un ami, d'un voisin, d'une connaissance, d'un membre de famille, d'un membre de l'église, même s'il vient sous forme de ses propres pensées, le méchant, la parole aura le dessus. La méditation profonde qui marque votre esprit vous aidera à refouler l'ennemi, à le mettre hors d'état de nuit. C'est l'influence de la méditation. Et quand vous méditez la parole, votre esprit est nourri de la parole. Et au moment de la tentation, chaque esprit ne peut résister qu'en fonction de ce dont il est nourri. Si tu nourris ton esprit beaucoup plus de la parole de Dieu, il sera en bonne santé et fort pour faire tête aux ennemis, aux forces du péché et du mal, parce qu'il est bien nourri. Il pourra résister longtemps. Mais si votre esprit n'est nourri que des pensées du monde, des convoitises vaines, des images vulgaires, des vidéos profanes et des histoires qui sillonnent ça et là dans les réseaux sociaux. Quand les tentateurs viendront, votre esprit n'aura pas assez de force pour résister. Il se montrera léger. Il se montrera superficiel. Il succombera à la moindre insistance de l'ennemi. Nourrissez-vous de bonnes choses. Nourrissez votre esprit de bonnes paroles de Dieu. Et il y aura moins de pécheurs parmi nous. Et il y aura moins de pratiquants du péché parmi nous. À quoi votre pensée est-elle occupée? Sur quoi est-elle concentrée? Sur les actualités politiques, sur les taux de devises et l'inflation, l'embêtement des prix des denrées alimentaires, Mokepelimoto, est-ce que c'est ça qui vous domine? Ou bien, voici ce que je vais repasser à mon esprit. Voici au contraire ce que j'aimerais répartir dans mon esprit. Savez-vous quoi? Oui, dans Lamentations chapitre 3, verset 21. Voici ce que je verrai passer à mon cœur. Ils ont allongé la bande passante. C'est ma méditation. Écoutez, voici ce que je verrai passer à mon cœur. Ce qui me donnera, c'est l'espérance. C'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Malgré la guerre russo-ukrainienne, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Et elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Est-ce que tu te sens bien au-dedans là? Aussi, quelles que soient les pressions et les vagues de la vie, quelles que soient les duretés des épreuves de la vie, les murs par lesquels tu dois passer, n'oublie pas de revenir sur ces méditations sacrées. Oui, ces bontés ne sont pas épuisées. Les compassions de Dieu ne sont pas expirées. Mais elles sont encore valables. Leur date d'expiration n'est pas arrivée. Elles continuent à agir encore. Et nous avons confiance en lui. Ici, dans les psaumes 40, le verset 17 et 18. Que ceux qui te cherchent soient en allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut puissent sans cesse exalter sur l'Éternel. Dites ça et répétez ça. Dites ça et revenez-y. Que votre esprit soit occupé à cela. Que votre langue les répète sans cesse. Moi, je suis pauvre et indigent. Mais le Seigneur pense à moi. Qui est mon aide et mon libérateur. Mon Dieu ne tarde pas. Amen. Est-ce que tu peux occuper tes pensées de bonnes vérités comme ça? Quelqu'un peut commencer à te distraire. C'est quoi ça? Donc, tu veux salir ma méditation? Quand je vois des bâtons, c'est pour m'enlever l'espérance. Je dois repasser dans mon cœur les choses qui vont me redonner l'espérance. Les choses qui nourriront mon espérance. Qui fortifieront mon espoir. Si tu t'aimes toi-même, tu iras comme je dis là. Mais si tu veux te détruire, alors tu laisseras n'importe quelle pensée comme à te venir. Et tu te laisseras aller dans ce sens. Dans les psaumes 42, il est écrit ceci, verset 10. J'ai dit à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse? Sous l'oppression L'ennemi. Je poursuis jusqu'au verset 12. Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent. Mais nous avons dit sans cesse, exalté soit Dieu. Louez soit mon Dieu. Et aussi répète sans cesse. Où est ton Dieu? Ils sont si fidèles à le faire. Nous soyons fidèles à faire le bien. Mais pas à décourager nos semblables. Pas à piquer nos semblables. Pourquoi t'abattu mon âme? Et je me tue au-dedans de moi. Espère en Dieu. Car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. As-tu déjà eu des occasions de le louer dans le passé? Je t'appelle, regarde dans ton passé. Une occasion, quelque chose que Dieu a fait pour toi. Pour que t'es poussé à le louer. À témoigner positivement de lui. À te réjouir à cause de ce jeu. À l'impression bien faite. Alors ne t'abats pas. Ne t'abats pas toi-même. Que personne ne t'ait abattu. Ne t'abats pas de toi-même. Par tes propres pensées négatives. Ne t'abats pas, ne désespère pas. Il le louerait encore. Le Dieu qui avait fait dans le passé, Dieu l'a fait encore dans le futur. Dans peu de temps, mon libérateur interviendra. Il fera encore quelque chose. Il fera que moi, je le louerai encore. Je le louerai encore. Même Samson qui avait trahi Dieu. Ne s'était pas abattu au-delà de toute mesure. Quand même les cieux qui étaient son secret, bien qu'il soit coupé, c'était la trahison. Et la nature elle-même ne vous enseignait pas. Que les cieux soient coupés peuvent repousser. Mais les cheveux de Samson ont repoussé. Ceux qui dans sa prison, dans ses persécutions, de temps en temps, il était comme ça. Il était devenu décrépit. Et après cette décrépit, il a poussé encore de sa témoin. Et à un moment donné, bien que les cieux étaient crevés, il a senti qu'il pouvait se retresser encore. Même avec les cheveux broyés, les yeux broyés, il se dit que je peux faire encore la détresse. Les chefs de l'alliance avec Dieu. Les chefs de l'achèvement. Le Dieu est les lois de Dieu. Et ça qui dans te souvenir. Si vous serez à nous, nous viens toi de ton Seigneur ton Dieu. Quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, soit tes conditions, nous viens toi de ton Seigneur ton Dieu. Source de toute existence. Amen. C'est par lui. Et par lui. Et pour lui. Pour Dieu. Et pour existence. Et nous sommes prêts. Et la terre. Nicolas pour le feu. Rempli de sa gloire. Et pas nous sommes la terre de l'eau. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Il a touché là. Il m'a dit qu'on a. On pouvait le constituer. Parce que tous les hommes sont souffrés. Le rétablissement était possible. Que ça nous est souffert. Le signe tire les cheveux. Que dans le souci. Le signe sur la tête. Que le souvenir du Nazaréa. Quand tu as fait dans vous viens-toi que tu as été consacré. Vous viens-toi que des prières ont été dites sur toi. Les choses ont été dites sur toi. Ma caméra de l'homme qui dit que le toi, Jérusalem. Yo, Jérusalem. Envahi par les bourreaux. Envahi par tes persécuteurs. Et celui qui t'ont assailli de part en part. Bangou de ma spirit aussi. Les choses ont été dites sur toi. Est-ce que ma caméra de l'homme qui dit que le Dieu qui ne ment pas. Entends-moi à cause de ta cassette. Chaque parole est irrévocable. Il est magnifique. Chaque parole est infaillible. Et par la prière. Les choses sont vérifiables. Les choses ont été dites sur toi. Tu les as entendues. Tu as cru. Et l'ange a dit heureux c'est celui qui a cru. Et les choses qui lui ont été annoncées. Et l'air a compris sa mort. Et ton petit sabbat. Alléluia. Amen. Les choses ont été dites sur toi. Les envolés ont mis en main. Les choses sont encore dites sur toi. Ailleurs tu es ici. Crie à moi toi-même. Heureux toi qui as cru. Et c'est les choses qui sont dites à ton sujet. On les raccomplit sa main. Le Dieu de Samson a laissé l'honneur revenir à la foi. A la La bouche nous n'a que Samson avait trahi. Et vous qui nous mettez. Ses yeux étaient sanctionnés. Ils avaient subi les conséquences de son péché. Mais ses oreilles étaient intactes. La même bouche qui avait trahi, Dieu ne l'a pas détruit. Il l'avait gardé. Pour une occasion nouvelle. Pour qu'un nouveau témoignage soit rendu. Pour que les prières passent encore à Dieu. C'est la même bouche qui amène au péché. C'est la même bouche qui doit confesser le péché. Il est celui qui a promis la restauration. Alors, Samson, bien que dans les chaînes, mais la bouche n'était pas liée. Samson, bien que les mains de maître de Sarah, pour les ennemis partout, il a fait une perdition à côté. Il était envoyé dans la prison. Mais sa bouche n'était pas liée. Qu'est-ce que vous voyez? Sa langue était libre. Et par qui? Son esprit n'était pas lié. Mais quand vous êtes en train de faire, c'est libre de contacter Dieu. Et c'est là qu'il a beau souper. Alors, Samson a dit, mais encore, tout ça dans le but. Encore une fois, Seigneur. Il souffre pour l'eau. Amen. Vengez-moi de mes ennemis. Vous avez la carte à l'ouna. Vengez-moi de mes ennemis. Ils ont joué de votre eau. De les redonner à ces gens. Je me suis fait un agneau entre les mains. Ils ont tiré dans tous les sens. Ils ont fait de moi un joué public. Ils m'ont fait oublier ton nom. Ton nom n'a plus été cité parmi eux. Mais ce sont ma encore une fois, Seigneur. Mais ce sont ma encore là. Parce qu'il faut prier et agir. Parce que Seigneur, prenez la paix au sale. Ne priez pas pour croiser les bras. Comment ne la paix pour la croiser la mort. Priez et agissez dans le sens de votre prière. Bon, ne la paix au sale. Posez les actes conformes à ce que vous demandez à Dieu. Qui feront obstacle à ce que tu demandes à Dieu. Les actes qui vont collaborer avec les choses que tu demandes à Dieu. Les choses s'emboîtent. Il a dit au petit qu'il est guidé. Lui qui était avec ses deux yeux. Qui voyait les ennemis et sursauter. Mais il n'a pas de yeux à cause de sa faute. Il a dit au petit qu'il servait de guide. Amen, ma main. Vers les colonnes centrales. Il a amené. Amen. Pose, pose là. Simba, Simba. L'essaye. Simba, Simba. C'est là? Amen. Kikona. Ok. Amen. L'autre main. Sur l'autre. Les deux piliers centraux. Sur lesquels tout le grand temple est reposé. Et pas là, peut-être. Les autres pensaient que c'était un tour de théâtre. Comme les hommes d'aujourd'hui qui aiment le plaisir plus que Dieu. Ils tournent même la parole de Dieu en dérision. Ils mettent ça dans leur blague. Vous prenez tout. Effacez l'influence du sacré. Des simples discours profanes. Mais regardez ce qu'il fait. Ils sont allés appeler M. qui était dehors. Notre de l'un théâtre fait encore un tour ici. Et rappelez-vous à l'occasion, venez. C'est l'esprit de mort qui les a appelés. Ils ont accouru. Pour venir voir la blague, le scénario. Ils sont venus nombreux. Venez. C'est un carnage que Dieu prépare. C'est le Dieu qui fera encore. Alléluia. Amen. Les choses qu'il a fait dans le passé. Dieu n'est pas devenu Dieu pour ne plus le faire. Il n'est pas devenu impuissant. Il est paralytique. Voici, il est immuable. Le même hier, aujourd'hui et dans toutes les générations. Jusqu'à la fin du monde. Qui nous a soutenu? Samson a bougé. Samson a bougé. Seigneur, Colo, je suis à bout. Nazana souka. Maintenant c'est fini. Ça ça y est fini. Venge-moi. Venge-moi. Venge-moi. Venge-moi. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Attends ma capacité. Les bras de Samson. N'avait rien de particulier. Ne suivez pas le menteur qui dessine des biceps. Avec des gros paquets là-bas. Samson n'avait pas de gros paquets. Samson n'avait pas de gros paquets. L'esprit de l'éternel. Car il s'emparait du corps. Alors, le corps devenait incontrôlable. L'onction donne la force. Et pas quoi et peut-être que mon casse. L'onction fortifie même le corps. Et pas quoi peut-être que ça ne peut pas. Ne crains ni la maladie ni les faiblesses. Faut pas la tête au colossal. Prends le soin de sa cause. Faut pas la tête au. En posant la main, ce ne fait qu'un signe. Il a élevé les deux bras. C'était pour lui un jour vert. Même si la rétrogradation m'a dominé pendant un temps, je ne mourrai pas comme un pécheur. Je ne mourrai pas comme un perdu. Car le salut que Dieu donne, c'est salut éternel. Le péché m'a eu pendant un temps. Je n'ai pas perdu mon salut. Je mourrai comme injuste. Je m'enirai en vainqueur. Je comme un lâche. Quand mon rédempteur est vivant, mon libérateur existe. Il a posé les mains. Jour vert. Jour de victoire. C'est la victoire finale. Et l'homme est tout cas. Et Dieu a entendu la prière de la femme et il a répandu l'esprit. Paix à sa mon livre. Je peux voir Samson entendre un bruit sur la terre. Et là, il peut danser en esprit. Alléluia. Alléluia. La force vient déjà. Le secours vient déjà. La puissance descend. Oh, gloire au Seigneur. Dieu qui répond à la prière. Dieu fidèle. Dieu peut te répondre. Il peut changer le décor. Il peut changer l'atmosphère. Il peut changer ton témoignage. Il peut changer ton entourage. Dieu est capable. Tout ce que vous demanderez avec foi, nous serons votre foi. Voyez que vous l'avez reçu. Vous le verrez s'accomplir. Et puis de ceux qui croient ça, dans la présence de Dieu des champs, discerne l'esprit du Seigneur. Discerne l'esprit de Dieu près de toi. Dieu est près de toi comme cela. Ton cœur ne chancellera pas. Il ne tombera pas dans les mal. Il ne va pas le décider sur toi. Alors que revient la victoire. C'est de la foi biblique. Tu as dit amen. Discerner la présence du Seigneur. Ayez besoin de foi fixée sur lui. Dans le psaume 16e. Verset 7. À 9. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Na kokoya te. Il est à ma droite. C'est lui ma puissance. C'est lui mon bras droit. Il est ma victoire. Il est mon rocher. Il est mon bouclier. Il a promis de donner protection à quiconque lui demande protection. Ainsi mon cœur est dans la joie. Mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Est-ce qu'il est là? Est-il ici? Est-ce que tu discernes cette présence? Comme Samson ne pouvait discerner. Et cela donne l'assurance à sa foi. Et le cœur tressaillit. Le cœur s'est rassuré. Oh, je n'ai pas prié en vain. Ces années, je n'ai pas prié en vain. Je n'ai pas servi Dieu pour rien. Mais Dieu a des récompenses. Pour ceux qui espèrent en lui. Il en a jusqu'à présent. Reposez-vous en sécurité. Samson, comme il a développé ça, Dieu a honoré sa foi. Séance pénale. J'aime ça. Tico, tac. Sur place même, le libérateur est intervenu. De manière invisible. Aucun Philistin n'a vu Dieu en train de faire un défilé dans la salle. Aucun d'eux n'a vu une lumière mystique traverser. Il n'y avait rien. Le seul signe. C'était le croyant Samson. Vous demandez des fois des signes impressionnants. Mais Dieu a dit, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donné. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Il n'y a pas que des signes phénoménaux. Mais il y a aussi les croyants qui peuvent être des signes de Dieu. Pour juger les incrédules. Sachez que Dieu agit diversement. Personne ne peut les limiter. Personne ne peut les dribbler. Dieu agit autant qu'il veut. Le propre nom a dit, Dieu agit à travers des voies mystérieuses pour performer des miracles. Il emprunte des canaux que seuls les croyants peuvent connaître et dont les autres ne savent rien. Dieu, notre Dieu, emprunte des canaux pour intervenir, pour opérer des miracles que seuls les croyants peuvent saisir, mais dont les autres qui sont pas croyants ne savent rien. Au temple des Dagons là-bas, le plus grand temple de la République philistère. Le 32 district de Philistère. Non, la République fédérale. La République, le plus grand temple de là. C'est là-bas qu'il les a menés. Samson, comme un des lots de théâtre. Pour jouer les tours et les amuser. Et pendant ce temps, imaginez les arachides. Il buvait de la bière. Il prenait le poisson alcoolique. Parce que pour eux, ce n'est pas interdit. Pour sanité. Il s'amusait. C'est là, Dieu est venu mettre son signe. C'est celui-là même qui était devenu le sujet de raillerie. C'est même croyant, cette croyante, dont on s'est moqué. Quand le surnaturel intervient, la réputation change. Les décors changent. Crois au Dieu qui change tout. Il a le pouvoir même à cet instant. Après tout ce que tu es, tu deviendras. Amen. Parlez-moi de sa bouche. Tu viens de l'entendre. Le changement est en route. Bon monde est incroyable. Amen. Dieu ne parle pas en vain. Amen. Tu ne vois pas combien de liens sont tombés. Tu ne sais pas de fois combien de gens se fuient. Amen. Alléluia. Un alléluia qui réjouit le Saint-Esprit. Alléluia. Tu dis ça, et tu ne sais pas combien les démons viennent de prendre la fuite. Alors n'écoute plus ce passé négatif. Regarde plus de nombreux échecs. Mais ne compte même plus. Mais compte les bienfaits de son Dieu. Alors tu le loueras encore. Ce qu'il avait déjà fait. Oh, yes, la vie. Il est vivant pour reproduire. Je suis Yahweh. Je suis Yahweh. Malachi 3 verset 6. Malachi vous comprenez ça. Je suis Jéhovah. La salut. Je ne change pas. La bonne on va cater. De qui est cette parole? Malabon est un ami. De qui est cette parole que je venais dire? Malabon est un ami. Ton courant tu dois dire. Non, mon nom c'est le Koloba. Malachi 3 verset 6. Malachi vous comprenez ça. Je suis l'éternel. La salut Yahweh. Je suis Jéhovah. La salut Yahweh. Je suis Yahvé. La salut Yahweh. Et je ne change pas. Na bon na katé. Tu crois comme lui? Vous avez connu le roi hier? Pour répéter ce qu'il a dit. Pendant qu'on va entrer dans le lobby. Dieu ne change pas. Na bon na katé. Dieu ne change pas. Na bon na katé. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Dieu ne change pas. Oh hier. Hier, aujourd'hui, à jamais. Aujourd'hui à jamais, je crois. Aujourd'hui à jamais, je suis oh, il est le même. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, je ne change pas. S'il a agi hier, il agit aujourd'hui. La main, il agira demain. Jésus ne change pas. S'il a agi hier, il agit aujourd'hui, il agira demain. Jésus ne change pas. Lui est ma gloire, hier aujourd'hui à jamais. Hier aujourd'hui à jamais. Hier aujourd'hui à jamais. Jésus ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Hier, aujourd'hui, à jamais. Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui. La même, il bénira demain. Jésus ne change pas. S'il a béni hier, il bénit aujourd'hui, il bénira demain, Jésus ne change pas. Alpha, Omega, hier aujourd'hui à jamais, hier aujourd'hui à jamais, hier aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. S'il a rempli hier, il est la de puissance et de gloire, de consolation et de joie. S'il a rempli du Saint-Esprit de la joie et de puissance. Ou la maman. Il répond à la prière. Samson était là. Lui-même était ainsi. Il dit amen. Toi-même là tu es ainsi. Amen. Par toi la gloire de Dieu doit se manifester. Par toi la gloire de Dieu sera connue. Par ton quartier dans ta famille. Par toi les signes. Que la gloire de Dieu sera connue et témoignée. Vous êtes le panneau publicitaire. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Donnez la saveur aux autres. C'est possible maintenant. Je crois de tout mon cœur que Dieu t'a amené dans un but. Je Pina. Il t'a pas suscité en vain dans ta famille. Il verra la différence. Des choses sont dites sur toi. Quand le robin est tiré d'ailleurs, il verra la différence. Et ton monde a votre famille. Rebéni soit celui qui croit. Et c'est nous. Après, le Dieu de Samson est le même maintenant. Ne regardez pas la chair. Ce n'est pas la force. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. Le même qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Le même qui a marché sur les eaux. C'est le même qui a marché sur les eaux. Il est le vainqueur de l'église. Il est celui qui veille et qui répond. Il répond à la prière. Alors, Dieu a honoré la prière de Samson. Ça vous dit ce qui est arrivé? On ne pouvait pas s'y attendre. C'était un miracle. Un temple gigantesque. Construit en matériaux très durables. Et pour moi, je suis fort de milliers de stylistes. Un bout d'homme du nom de Samson. Samson était un bout d'homme. De Moukouche. Mais il y a fier de Moukouche. Avant de voir ce que vous toi aussi, sur l'exemple de saint notre fort. Le saint servir le Seigneur. Soyez heureux d'être ce que vous êtes. Amen. Amen. Écoutez. Ce bout d'homme-là, nous avons il a touché, il a prié. Au bout d'un temps, c'était incroyable. Et inimaginable. Inattendu. Pensez à tout sauf ça. Un bruit de fracas qui commence. Et Dieu est stratège. Il n'a pas fait les choses de manière à les alerter pour que certains fuient. Les membres qui s'étaient invités nombreux à remplir. Il les a laissés dans une profonde distraction. Ah, Mais c'est ton Dieu qui est ton amen. Le seul gardera le dernier mot sur toi. Écoutez. Et Dieu a dit, j'entends. J'exauce. J'approuve ta prière, Samson. Pardonne ta trahison. Pardonne ton péché. Il y a des moments de faire. Je ne tiendrai plus contre ça. Mon retour dans mes bras. Le colonne principal démoli à partir de l'intérieur. Nicosi à Katikati. Et Boukani commande la Katikati. Devenu poussière du dedans. Et comme pour tout loup. Il y a que le crépissage qui est resté dehors là. Et si qu'elle est belle, moi ma belle, on fait banda. Et Dieu dit aux colonnes, attendez. Ne tombez pas encore. Pourquoi non? Il va maintenant attaquer les colonnes latérales. Agis, ma conscience à qui banda. En un instant, toute la toiture, nous tombons le mandat est tombé sur tout le monde. Et quoi il va la une vraie couverture. Une vraie et bonne tombe préparée par Dieu. Un temple destiné au Dieu d'amour. Un cimetière pour plusieurs adorateurs. Dieu confond les signes des ennemis. Dieu veut leur retirer le motif de fierté. Un chant de louange à la gloire de Dieu notre Père. Psaume 121. Il dit ceci que vous connaissez. Je voudrais que tu croies, tu prennes ça au mot. Psaume 121. Oh, la parole est délicieuse. Amen. Il dit ceci. Psaume 121, verset 3 à 8. Kino na mwambe. Oh, Psaume 121. Il est écrit ceci. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Amen. Celui qui te garde ne sommeillera point. Amen. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. Amen. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Tu as soulevé cette main droite. Amen. L'ombre qui se projette là, comme il est écrit dans les psaumes ce soir, c'est l'Éternel qui est à ta droite. Amen. Il est ton bras droit. Amen. Parce que cette main sera soutenue. Elle sera délivrée dans les batailles. Elle sera secourue dans le travail. Elle sera secourue dans les affaires. Que Dieu bénisse ta main. Amen. Il bénisse le travail de ta main. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Et la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, c'est maintenant et à jamais. Elle est là, Nico. Est-ce que tu prends ça pour toi-même? Faut-il se dire que Dieu te bénisse? Même si je ne le disais pas. Qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, debout pour la prière. Le Seigneur a fait l'évangile à sa façon. Je vous invite à venir en semaine. C'est lui qui vous a invité. Pour que tu prennes encore ça. Ce que je voulais donner là, c'est toujours lui. Lui m'a dit non. Mes enfants sont venus. Je suis souverain. Je suis souverain. Ce n'est pas ton œuvre, c'est mon œuvre. Soumets-toi. Laisse-toi conduire. Dis que je vais. Maintenant, je vais ça. Mes enfants mangent d'abord. Amen. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu élève ton âme. Dans le nerf, il y a. Dans la consécration. Dans la joie du salut. Dans le pardon de péché. La victoire sur les démons. J'étais éloigné de ta parole, tu m'as envoyé un frère, prophète. J'étais terrassé par la main, la vie. Tu as compassé, je suis marqué. Comment est-ce loué pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'interne est comme un le chemin du ciel. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Maranatha, tu as toujours été mon secours chaque fois que le monde est fait. Montrez le message de l'heure. Je ne connaissais pas le planté. Salut, tu m'as révélé très grand. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu es la même, tu es toujours tellement secours chaque fois que le comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait? Agneau de Dieu, tu as toujours été mon secours chaque fois que l'œil me combat. Avec nos mains élevées, prions chacun. Parlons à notre Créateur, l'objet de notre adoration. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Libérateur, Parent Rédempteur, Jéhovah Dieu des miracles, Dieu des prodiges innombrables, qui fait tout à tout moment. Je le louerai encore. Je discernerai sa présence. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit à s'attendre pour l'approcher. C'est pourquoi le peuple les craigne. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien. Angèle, donnez-moi l'ancien. Angèle, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il mettra fin à tes mensonges, il te sauvera tes mains, il fera s'enfuir les démons. Il est si bon pour moi, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile, il est si bon pour moi. Il est bon, je m'en veux d'autre. Il me fait aimer mon frère. Mais toute chose à découvrir. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile. Donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il était si bon pour nos pères, si bon pour Paul et Silas. Il était si bon pour Père Branham. Il est si bon pour moi. Donnez-moi l'ancien évangile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Il était bon dans la fournaise, mais fait aimer mon prochain. Il agira quand je mourrai, nous amènera au ciel. Donnez-moi l'ancien évangile. Angile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est bon. Oui, donnez-moi l'ancien évangile. Angile, donnez-moi l'ancien. Angile, donnez-moi l'ancien évangile. Il est si bon pour moi. Dieu bien-aimé, notre Père Céleste, nous t'adorons et te glorifions. Nous célébrons ta louange. Glorifions qui ont indéfiniment ton Saint-Nom et ta parole. Elle est merveilleuse, délicieuse et nourrissante. Nourris l'esprit de chacun de ça. Laisse que chacun s'y attelle pour ne pas être emporté loin de cela. Que chacun de nous la médite. Que chacun de nous discerne sa présence. Discerne l'esprit de Dieu quand il s'approche. Pour dire comme Jérémie, je le louerai encore. Pour dire comme David, je le louerai encore. Que nos âmes ne soient pas battues, mais que nos âmes soient debout. Plus que vainqueur. Taille les ennemis en pièces. Confirme tes promesses. La semence a parlé entrée en terre. Arrose la jour et nuit. Fortifie la foi de chacun. Et que lui soit fait selon sa foi. Réponds à nos prières. Honore notre foi, Seigneur. Et donne-nous ce qui nous manque. Au nom de Jésus-Christ, conduis les saints chaque jour. De merveille en merveille. Dans ta souveraineté. Dans le sang de l'agneau immolé. Jésus de Nazareth. Notre bouclier. Notre rocher. Le roi de paix. La source de toute existence. Nous prions ici. Amen. Veuillez ce soir. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse.